Le Trisaïeul par Jacques Cézanne. Monsieur Brun, qui gagnait avant la guerre 1,35 francs de l'heure comme ouvrier mécanicien, possédait maintenant une vingtaine de millions, et parmi les satisfactions que leur nouvel état procurait aux opulents époux, celle de recevoir le marquis de Gerlincourt n'était certes pas la plus médiocre. Madame Brun surtout exultait. Songez, être aimée d'un homme dont la famille avait compté des princes de l'Église, des académiciens et des guerriers à foison, dont un maréchal de France. Quelle revanche pour une femme qui, quelques mois auparavant, faisait elle-même son ménage dans un sixième de Levallois. Ce jour-là, M. de Gerlincourt avait déjeuné chez ses nouveaux amis. Après le café, Mme Brun était restée seule avec le marquis et lui avait dit « Voulez-vous faire les antiquaires, Bob ?»« Mais certainement, cher ami. Vous savez que c'est pour moi un plaisir toujours nouveau. » Et tous deux avaient gagné la rue des Saints-Pères. Monsieur de Gerlincourt, dont le goût était sûr et l'expérience consommée, avait ainsi rendu les plus précieux services à la jeune femme pour les quelques centaines de mille francs de boiseries, de meubles, de tapisseries, de porcelaines, de gravures, de pastels et de bibelots divers qu'elle achetait chaque mois. On choisit, chemin faisant, bergères, commodes et bonheurs du jour, et l'on arriva devant la boutique du Sieur Thalweg. Celui-ci, observa M. de Gerlincourt, m'était signalé comme ayant souvent de bonnes choses. « Voulez-vous entrer ?»« Entrons, » fit Mme Brun. Le marquis furetait de ci, de là. Tout à coup, il poussa un cri étouffé et tomba, plutôt qu'il ne s'assit, dans une bergère. « Qu'avez-vous, mon pauvre ?» demanda Mme Brun en accourant. M. de Gerlincourt suffoquait. « Un peu d'air. Merci, ce n'est rien, l'émotion. » Il désignait d'un geste affaibli une toile qui représentait un guerrier en cuirasse, avec le ruban couleur feu de l'ordre de Saint-Louis, et qui souriait finement sous sa perruque à catogan. « Mais qu'y a-t-il? Vous m'en faites une frayeur ?» Le marquis la rassura d'une voix affectueuse mais éteinte. « Voilà, cela va mieux. Je vais vous expliquer. » Il ne pouvait toutefois parler encore. Madame Brun se tourna vers l'antiquaire. « Ses rapports à ce portrait ?» Le marchand haussa les épaules en signe de doute. Il déclara. « Ce portrait, madame, est celui du maréchal de Gerlincourt, peint par Van Loo en 1742. » Peu à peu, cependant, le marquis retrouvait ses esprits. « Pardonnez-moi, cher ami, une faiblesse aussi ridicule, et n'en accusez que mon extrême sensibilité. Mais j'ai reconnu dans cette toile le portrait de mon trisaïeul, le maréchal, dont je possède une miniature que je ne quitte jamais. « Voyez, » dit-il en la montrant. Et alors, me trouver face à face avec cet illustre ancêtre, ici, dans l'une de ces boutiques où viennent échouer les épaves de nos fortunes, et sentir cruellement que je ne puis acquérir cette merveille. « Cette merveille, » ajouta-t-il, « dont la valeur se double pour moi, vous le comprenez, de tous les souvenirs qui se rattachent à ce grand homme. Et c'est pour ça que vous vous en faites ?» « C'est vraiment pas la peine, » déclara Madame Brun. Elle demanda à l'antiquaire. « Combien votre peinture ?»« 100 000 francs, madame. »« Bien, je la prends. »« Vous ferez toucher demain matin chez moi mon hôtel, 14 avenue Vendique, et vous enverrez le portrait chez Monsieur le marquis de Gerlincourt, 253 avenue Henri Martin. » Quand ils furent dehors. « Eh bien, vous serez content d'avoir le maréchal dans votre petit fumoir. » Le marquis mit dans son regard tout ce qu'un cœur d'homme peut éprouver de reconnaissance. « Ah, mon ami, ma grande amie, comment vous remercier jamais ?»« Tant qu'à faire, » dit-elle. « Elle était heureuse. » Elle demanda timidement. « Alors, vous m'aimez ?»« Follement, mais vous ?» Elle sourit, haussa les épaules et fit « Grand ridicule !» C'était une expression qu'elle avait entendue récemment dans la bouche d'une femme du monde et qu'elle jugeait du meilleur effet. Quelques minutes plus tard, M. de Gerlincourt retournait chez l'antiquaire et lui dit « Vous en faites des gaffes, vous !»« Comment ? Vous n'avez pas compris, malgré toute la mimique à laquelle je me suis livré, que vous pouviez y aller du double pour le portrait du trisaïeul. Et vous allez m'offrir encore froidement de partager ?»« Mais même en partageant, monsieur le marquis, les parts ne seraient pas égales. Car il me faut 10 du sang au père Gigou, qui n'a pas son pareil, vous le voyez, pour faire les vendre l'eau. » « Enfin, arrangez-vous comme vous voudrez. Il me faut 75 000. »« Alors il m'en restera 15, vous voulez rire, monsieur ?» Le ton qu'avait pris l'antiquaire était dépourvu d'urbanité. Il pensait sans doute pouvoir tenir le marquis à sa discrétion, mais celui-ci se rebiffa. « Est-ce que vous voudriez m'intimider? Vous n'êtes pas de taille, monsieur Thalweg. Vous auriez beau causer, voyez-vous. Et puis, avez-vous vraiment la conscience assez nette pour vous livrer à des intempérances de langage? Vous vous souvenez encore, je suppose, des boiseries truquées de la comtesse de Saint-Saba et de la commode de la baronne de... « Je vous en prie, monsieur le marquis, » dit monsieur Thalweg, qui voyait entrer un client. « Ne nous disputons pas, 36 gens. Vous voulez 75? Vous en aurez 60. Ça va-t-il? Parce que c'est vous, » dit le marquis. Il empocha les billets avec beaucoup de dignité et s'en fut rejoindre la petite Nino de l'Olympia, à laquelle il allait enfin pouvoir offrir le cabochon d'émeraude qu'elle convoitait ingénument. Jacques Cézanne.